traîne dans les rues de Paris, vers les quartiers sauvages. Je tourne rond dans cette hystérie, entouré de visages. Ni sourire, ni regard posé, de peur d'être agressé. Tous ces gens qui ne veulent plus rêver, car ils n'ont que la rage, sont beaucoup trop pressés. Sont beaucoup trop pressés. Je n'ai pas envie d'être comme eux, de finir ainsi, d'oublier la vie, d'être peureux en restant ici. Les métros se remplissent, les fourmis ralentissent, la chaleur, les odeurs sont de vrais supplices. La fatigue d'une journée classique se libère impudique. Toutes ces choses qui nous font vieillir et qui veulent nous détruire sont beaucoup trop pressées. Sont beaucoup trop pressées. Je n'ai pas envie d'être comme eux, de finir ainsi, d'oublier la vie, d'être peureux en restant ici. Je n'ai pas envie d'être comme eux, de finir ainsi, d'oublier la vie, d'être peureux en restant ici. D'être peureux en restant ici.